Alors, Linda Lemay est née le 25 juillet 1966 à Portneuf, près de Québec. Elle vit une enfance paisible, entourée de parents exemplaires et de deux sœurs très complices. Dès l'enfance, elle s'amuse à faire danser les rimes, s'adonne à de naïves poésies et elle est sensible également au rythme des mots. C'est à l'âge de 9 ans qu'elle écrit sa première chanson qui s'appelait « Papa, es-tu là ?». Elle prend des cours de piano pendant 3 ans, mais se lasse vite des gammes à pratiquer et de la lecture à vue. La future musicienne sera donc plus ou moins autodidacte. C'est à l'adolescence que s'amplifie sa passion pour l'écriture. Elle rêve de rédiger un roman, ne se connaissant alors encore aucun talent de chanteuse. À 17 ans, elle reçoit une guitare en cadeau et c'est le coup de foudre. Elle bafouille quelques premières chansons, l'émotion passe. Sa voix fragile se fait des muscles sous des histoires lourdes de rimes et de sens. Et Janine, sa maman, s'improvise manager et l'inscrit à des concours. Elle encourage sa fille et considère que le talent de celle-ci ne peut pas rester dans le sous-sol de leur maison. C'est en 1989 que Linda se démarque et remporte le premier prix au prestigieux concours du Festival international de la chanson de Granby. C'est là que la vie de Linda prend un tournant important. C'est son premier pas dans le milieu des professionnels de la musique. Son prix lui permet de fouler une première scène en France, dans la cour du château de Saint-Malo, où elle se rend compte que l'engouement du public français n'est pas une histoire pour son jeune répertoire, c'est vraiment devenu une réalité. On l'écoute dans La Marmaille, puis notre Linda de Souza, Vous avez tout changé. Longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en voudrais jamais dans mes jambes, que j'endurerais jamais que ça braille, même en punition dans une chambre. Longtemps j'ai cru que la marmaille, y avait des filles faites pour ça, et qu'elles méritaient des médailles, et j'étais pas de ces filles-là. Mais d'où me vient cette envie folle? Mais d'où me sortent ces idées-là? Cette passion des cours d'école, cet attendrissement que voilà. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crête, d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille à moi, je veux moucher le petit nez qui coule, je veux mettre ça en pyjama, je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas, et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille à moi. Je sais pas pourquoi, mais la marmaille, je croyais que ça m'aimait pas la face, que ça priait pour que je m'en aille quand j'arrivais dans leur espace. Longtemps j'ai cru que la marmaille, j'en aurais jamais sur les bras, que j'avais ni le cœur ni les entrailles assez solides pour porter ça. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille à moi, je veux moucher les petits nez qui coulent, je veux mettre ça en pyjama, je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas, et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille à moi, je veux nettoyer les genoux qui saignent, je veux de la marmaille à moi, je veux que ça boue,

Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Si vous nous rejoignez seulement, ça commence à 17h, hein, notre émission, sachez que nous consacrons aujourd'hui coup de cœur à Linda Lemay. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver l'émission en podcast 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur Internet, bien sûr. Écoutez plutôt. Fadjet sur Internet, www.fadjet.net. On revient à Linda Lemay. En 1997, elle est enceinte de sa première fille, qui s'appelle Jessie, de son mariage avec le comédien humoriste Patrick Huard. Elle s'installe quelques semaines en France pour réenregistrer son nouvel album éponyme, réalisé par Yvan Cassard. L'album est un succès et les spectacles de Linda sont de plus en plus courus. Sa présence sur scène ne laisse personne indifférent, en fait. Ensuite, en 1999, l'album Live, qui marque véritablement le décollage de sa carrière en France, il est numéro 1 des ventes et il obtient un disque de platine. La parution de son quatrième album, qui s'appelle « Du coq à l'âme », réalisé par son ami Claude Mégot-Lemay, consacre le talent de la jeune artiste en 2001. Puis ensuite, couronnée d'une victoire de la musique comme artiste-interprète féminine de l'année, Linda Lemay enchaîne succès d'albums et de scènes. Les Lettres Rouges, sorties en 2002, contient le titre « Les deux hommes », évoquant l'homoparentalité, et également le titre « La centenaire ». Elle enchaîne les concerts en France et se voit récompensée aux victoires de la musique 2003 après plusieurs nominations les années précédentes. On l'écoute ce titre « Les deux hommes », puis ce sera Charles Aznavour, on en a parlé il y a quelques instants, comme ils disent le même thème. Ils voulaient devenir parents, les deux hommes, et ils se sont battus longtemps pour avoir droit tout simplement, les deux hommes, les deux têtus, les deux amants, à une famille. Alors ils ont adopté un joli poupon. Ils sont enfin devenus papas, les deux hommes. Et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les deux hommes, des cernes mauves sous les yeux, à chercher la meilleure façon de s'occuper de leur nourrisson. Il n'aura pas eu de maman, le petit mot n'aura tété que des biberons, n'aura pas connu ces seins blancs que l'on donne à tant d'autres petits garçons dans ces maisons où ça se querelle pour des raisons conventionnelles. Ils y arrivaient pas trop mal, les deux hommes, les deux amoureux, les deux mâles. Même s'il était clair dans la tête des deux pères qu'ils ne pouvaient pas se permettre les mêmes faiblesses que l'on pardonne à tous les parents de la terre. Il aura grandi calmement, le garçon, jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'école, où bien sûr quelques garnements se moqueront en le traitant de fils de folle, et il en gardera des séquelles. Il reniera ses Ils étaient de braves parents, les deux hommes, mais le monde étant ce qu'il est devenu, l'amour, ben c'est pas différent pour deux hommes. Souvent l'amour, ça en peut plus. Et ce fut le cas de cet amour-là, les deux hommes ont baissé les bras. Un tel échec fait toujours mal, on ne veut pas se retrouver monoparent. Mais quand tu te fais appeler pédale et papa, là t'es un homoparental. Pour les langues sales et les jugements, Léon le savait que ça foutrait le camp. Ils feront tout pour consoler leur enfant, leur adolescent partagé, qui tentera bien de ne pas rêver de sa maman, de sa peau tendre et satinée, et de son épaule comme une gouttière pour y déverser ses rivières. Ils seront toujours les parents, les deux hommes, de l'homme que leur fils deviendra. Et même s'ils n'entreront jamais dans les normes, s'ils auront été maladroits, ils n'auront pas perdu le droit d'être des hommes dignes et droits. Ils seront toujours des papas, les deux vieux, et leur garçon s'en souviendra. Quand à son tour il en buera ses beaux yeux en tenant un poupon dans ses bras, et c'est à temps qu'il comprendra un petit peu mieux les deux hommes, et c'est à temps qu'il revienne avant que ses papas s'endorment. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine.

aller toucher les étoiles que souvent en bas je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis. J'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui l'année 2010, Linda Lemay entame une grande tournée. Elle commence en France de janvier à avril, puis la poursuit au Québec en juin et en septembre, avant de la terminer par un retour en France en novembre et décembre avec une date en Belgique. Juste avant de poursuivre sa tournée québécoise, Linda Lemay lance son 12e album intitulé Blessé. Il remporte un succès estimable et assez inattendu en France. En 2011, elle sort son 13e album Best Of, dans lequel on retrouve les succès qui ont fait connaître la chanteuse, mais également quelques chansons inédites telles que Pas de mots, avec laquelle elle fait la promotion de ce disque. Sur la scène de l'Olympia à Paris, le 30 janvier 2012, Charles Aznavour remet à Linda Lemay l'insigne de chevalier des arts et des lettres en France. Quelques années plus tôt, l'artiste était aussi récipiendaire de celle de l'ordre de la Pléiade, cette fois-ci au Québec. Le tourbillon du succès, des voyages et des responsabilités de toutes sortes finissent somme toute par forcer la chanteuse à ralentir un petit peu le rythme. En 2013, elle sort l'album Feutres et Pastels, puis en 2016, Décibels et des Silences. C'est au bout de la tournée du même nom que Linda s'offre un silence bénéfique après avoir célébré son 60e Olympia à Paris, également ses 25 ans de carrière et plus de 4 millions d'albums vendus. En 2017, elle perd son papa qui s'appelait Alphonse. Rappelez-vous la chanson que l'on a écoutée, « Le plus fort, c'est mon père ». Et les derniers moments que l'artiste passe avec son pilier donnent place à une poussée de création hors du commun. Alphonse souffle des rimes à sa fille, que celle-ci intègre à ses chansons. Et ce moment de complicité est d'une intensité rare. Linda visualise avec son père un long horizon où pourront voyager ses nouvelles chansons. Dans ce qu'on va écouter maintenant, l'artiste s'adresse à sa fille Ruby et lui prodigue des conseils pour sa vie future, tout en lui faisant part de ses inquiétudes de la voir grandir dans un monde parfois violent. Plus généralement, c'est de la relation mère-enfant dont il est question. « Attrape pas froid », c'est le titre. Et on découvre la chanson qui va défendre la France à l'Eurovision, Lazara. Évidemment, c'est le titre également. Depuis que t'es toute petite, que ton bagou nous charme, tu aimes faire le pitre et nous faire rire aux larmes. Depuis que t'es tout poupon, que tu dis tout ce que tu penses, tu cries tes opinions sans craindre les conséquences. Je sais que ce serait mal de te dire de te taire, parce qu'il y a sifflé des balles sur notre coin de terre. Plus il tombe de tête, plus faut relever la tienne. Oublie que je m'inquiète, mais n'oublie pas que je t'aime. Depuis que t'es toute gamine, que je te fais promettre de ne pas courber les chines, de ne pas te soumettre. Mais là y a mon instinct qui te crie d'aller te cacher, aussi creux, aussi bien que tu peux, mon bébé. J'ai une espèce de boule coincée dans l'estomac, un gros côté mère poule que je compte pas, crois-moi. J'ai juste envie de te dire de rester bien au chaud, te dire de te couvrir des pieds jusqu'au cerveau. Attrape pas froid aux yeux, garde ton audace. Attrape pas froid en Dieu, s'il te menace. Attrape pas froid aux yeux, ma belle enfant terrible. Prends ton courage à deux mains libres. Je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de peur. J'ai pas le droit, mon amour, de te couver comme une lâche, d'écraser ton humour, d'ébranler ton courage. Je veux pas que tu tournes rond les coins de tes sarcasmes, parce que les religions ont pas le sens de la farce. Tu vas te geler les doigts si tu les laisses dormir, loin des crayons de bois, loin des crayons de cire. Tu vas te geler les lèvres si tu les enfoulardes, et pas peur de la crève, ne sois pas sur tes gardes. Va jouer là où tu veux, ma belle enfant fragile, même si dehors il pleut, un malheureux grésil. Plus le sol est glissant, plus faut que tu patines. Plus le monde est terrifiant, plus faut que tu le dessines. Attrape pas froid aux yeux, garde ton audace. Attrape pas froid en Dieu, s'il te menace. Attrape pas froid aux yeux, ma belle enfant terrible. Prends ton courage à deux mains. Je veux pas que tu... Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. mais ce que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce titre de Lazara qui va représenter la France au prochain concours Eurovision de la chanson ? Et moi, je suis assez confiant parce que l'assurance de l'artiste, ben, c'est quasiment gagné. La voix, elle ne fera pas défaut non plus. Ben, écoutez, on en reparle au mois de mai, je crois que ça se passe, cette histoire-là. Écoutez bien ce qui suit. Alors, concernant Linda Lemay, en 2018, elle entame le projet qu'elle qualifie de complètement fou. Je suis d'accord avec elle, le plus grand projet de sa vie. Il était 11 fois, c'est le titre du projet. Il s'agit de 11 albums, de 11 chansons qu'elle mettra au monde en 1111 jours. C'est un petit peu de la superstition, je puis dire, si je puis dire. Mais elle en a donné le coup d'envoi le 11 du 11e mois 2020, c'est-à-dire le 11 novembre 2020. Résultat, à ce jour, 7 albums sont déjà parus. C'est un pari vraiment un petit peu fou, mais une flopée de chansons, une flopée de créations. Vous pouvez écouter ces 7 albums qui sont déjà disponibles. Elle est actuellement en tournée, Linda Lemay. Ça s'appelle « La vie est un conte de fou ». Elle tourne au Canada de mars à septembre et sachez qu'elle sera à Paris, à l'Olympia, le 18 décembre prochain. Alors, il y a que l'embarras du choix dans ces innombrables nouveautés qu'elle nous a offertes. Je vous propose d'écouter « Le bijou », un titre très sérieux qui traite de l'excision. Une voix qui l'accompagne, formidable. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques secondes. Dire que ces mères-là sont douces et gentilles, et dire que ces pères-là ont des grands cœurs, et dire que ces mères-là adorent leurs filles, et dire que ces pères-là souhaitent leur bonheur, et dire que ces parents-là croient rendre service, et dire que ces parents-là croient dur comme fer, que cette tradition-là n'use pas de sévices, que cette tradition-là est nécessaire. Et dire que ces filles-là qui crient au supplice, et dire que ces filles-là qui crient au secours, porteront à jamais sous leur cicatrice le plaisir qui ne réveillera aucun amour. Et dire que ces filles-là qu'on change en victime, oui, dire que ces mères-là qu'elles deviennent, souvent ne réalisent pas l'étendue du crime, souvent perpétuent même le problème. Et dire que ces mères-là sont de bonnes familles, et dire que ces pères-là sont de bonne foi, et dire que ces parents-là ont l'esprit tranquille, ils suivent le chemin qui est le plus droit, et dire que ces couteaux-là qui brisent tes corps, ces couteaux-là qui violent et qui trahissent, ces couteaux-là qui volent l'intime trésor, ce petit joyau qui fait que les femmes jouissent, oui, tous ces couteaux-là qui laissent des traces, ils auraient bien voulu rater leur cible, mais pour l'honneur d'un peuple, un culte, une race, on peut commettre des choses terribles. Souvent ces parents-là ont le cœur qui s'arrête pendant que leur enfant se fait faire mal. Pourtant ces parents-là vont faire une fête pour souligner le beau cérémonial. Car cette décision-là, elle se prend toute seule, car cette excision-là est juste normale. Faut dire que ces parents-là ne font pas tout ce qu'ils veulent, en fait ces parents-là suivent juste le bal. Et dire que ces parents-là, ils auraient bien pu être ces parents-là qui m'ont élevé, ces merveilleux parents-là que j'ai connus, qui ont fait de moi une fille baptisée. Oui, mes parents à moi qui m'ont initiée à ce chemin qui croit aux punitions, où le fils d'un papa s'est fait crucifier pour sauver les humains de la tentation. Et ce bijou que j'ai là entre mes deux jambes, il aurait très bien pu m'être arraché si j'étais née là-bas où les genoux tremblent, à l'heure où les bijoux se font faucher. Un merveilleux titre avec la participation de Luce Dufaux, Kim Richardson et Lulu Hugues. Et dire que ces mères-là sont douces et gentilles, et dire que ces pères-là ont des grands cœurs, et dire que ces mères-là adorent leurs filles, et dire que ces pères-là souhaitent leur bonheur. Écoutez, on ne peut qu'admirer ce titre extrait des albums qui viennent de paraître de Linda Lemay. Quelques mots sur sa vie privée. En 1997, elle a une fille, Jessie, je l'ai dit, avec l'acteur, humoriste, réalisateur et producteur québécois Patrick Huard. À partir de 2001, elle partage un temps de sa vie avec l'humoriste français Laurent Gérard, que vous connaissez bien. En 2006, elle a une fille, Ruby, avec son mari Michael Vézinger, dont elle est divorcée depuis, sachez-le. On va se quitter avec un live, La Visite, un extrait, puisqu'on n'a plus tellement le temps d'écouter la chanson complète. Il s'agit d'un morceau où elle décrit l'hypocrisie des réunions de famille et où elle se moque de tous les travers de la vie quotidienne. Je veux pas de visite, parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite, je veux pas leur dire comment je vais. Et puis j'ai les cheveux tout défaits, je veux pas de visite, parce que la maison est à l'envers, parce que je suis pas bonne cuisinière. Je veux pas de visite, parce que les cousins et les beaux-frères, ça me tombe un peu sur les nerfs, parce que la visite, ça parle fort, et parce que c'est jamais d'accord, parce que j'ai pas une grosse façon, parce que j'ai pas de plat de bonbons, parce que j'ai pas de conversation. Je veux pas de visite. On écoutera fera la visite dans une prochaine émission, je vous le promets, parce que cette fois-ci, c'est amusant, c'est pas grave comme chanson de Linda Lemay. Un réel plaisir que de l'avoir retrouvée pendant l'heure de nos coups de cœur de ce jour. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h. Cette fois-ci, ce sera Petula Clark qui sera mise à l'honneur. Encore une femme, encore une grande artiste. Je vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Bye bye.